Look lemon. Qu'est-ce qu'ils font? Look lemon. Dis-moi qu'est-ce qu'ils font? Look lemon. Qu'est-ce qu'ils font? Look lemon. Dis-moi qu'est-ce qu'ils font? Look lemon. T'es t'es bonne, t'es sexuelle. Fesses qui applaudissent, c'est la gestuelle. Les Jennifer Kawaii et puis Estelle. Quand qu'à constater que y'a pas de respect. Look lemon. Les Jennifer Kawaii et puis Estelle. Quand qu'à constater que y'a pas de respect.